été 71, après une boucherie sans nom, un vieux militant communard écrivit cette chanson. Ça nous semble aujourd'hui bien ringard de chanter ainsi ses idées. C'est dans le sang qu'ils traçaient leurs mots, et de leur mort naissait l'espoir. C'est la lutte finale, où pour nous est demain, l'international sera le champ humain. C'est la lutte finale, où pour nous est demain, l'international sera le champ humain. Pauvre potier, pauvre fédéré, le monde avance à reculons. L'authentique internationale, c'est celle du fric et des cons. Privilège, indifférence, égoïsme, fin dans le monde, idée bafouée. Allons, courage, tout reste à faire, nous sommes toujours des assiégés. C'est la lutte finale, où pour nous est demain, l'international sera le champ humain. C'est la lutte finale, où pour nous est demain. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, Francis Gavel pour Bulle de Rêve. Alexino, pour longtemps je me suis couché de bonheur. J'étais tellement stressé et angoissé par le titre de l'autre émission que voilà, j'en suis complètement déboussolé. Donc, cette fameuse émission, on vous l'a proposée, enfin, il y a le... Pas 31 décembre, hein, on était le 24 ou le 25. On était le 23. On était le 23 décembre. Francis, c'est largement mieux que moi au niveau des dates. On vous a proposé cette émission de 4 heures où on mélange, où il va être évidemment question de cinéma et de musique. Tout à fait. En deuxième partie, donc nous commencions dans cette émission de au moins 2 heures qui va être assez politique avec une version internationale que vous avez sûrement reconnue pour certains d'entre vous puisque c'est François Béranger, évidemment, qui l'a chanté. Et donc, pour cette première partie, je laisse la place à Francis. C'est à toi. Eh bien, écoute, je te remercie, Alexis. Effectivement, ça va être 4 heures assez denses pour cette émission crossover, comme on dit dans les bonnes séries US, entre Bulle de Rêve. Et longtemps, je me suis couché de bonne heure. Alors, ben, justement, on décale un peu les horaires. Là, cette première heure va plus avoir une tonalité. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, puisqu'on va faire, comme on a l'habitude de le faire avec Thomas Fouet, donc des fils du cinéma, une table ronde critique. Alors, Thomas Fouet ne sera pas là ce soir, mais vous le retrouverez à l'antenne au mois de juin, puisque là, en ce moment, il est à Cannes, en train de voir plein de films pour nous. Mais il y a aussi des critiques de cinéma qui sont restés à Paris, moi par exemple. Donc on va avoir le plaisir autour de cette table d'accueillir 3 personnes. Alors la première qu'on accueille, c'est, on l'a déjà accueilli, il a déjà présenté l'émission, c'est donc Alexis Huneau. Donc Alexis, je suis ravi que tu sois avec nous ce soir. Merci beaucoup. Pour parler de différents films et pas uniquement d'animation, c'est ça qui m'intéresse beaucoup en ce qui concerne, mais bien sûr aussi pour amener un regard sur l'animation. Donc je rappelle pour nos auditeurs qui l'auront bien compris, à Radio Libertaire, tu t'occupes de Bulle de Rêve, mais aussi d'un site qui s'appelle The Web Anime, où effectivement tu parles un peu de cinéma d'animation. Alors on a aussi le plaisir d'accueillir ce soir Gilles Tourment. Bonsoir Gilles. Bonsoir Francis. Alors bon, t'as l'habitude de venir dans cette émission, puisque justement tu viens en compagnie de Thomas et du comité de rédaction des fiches du cinéma pour faire dans longtemps je me suis couché de bonne heure cette table ronde sur l'actualité des sorties salles. Donc on va te retrouver ce soir autour de ces deux films. Et puis Christiane Passevent. Bonsoir Christiane. Oui, bah on se retrouve, puisque tout à l'heure tu faisais ma technique. Voilà, hein, on se retrouve. Donc, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, Christiane, c'est Chronique Rebelle de 13h30 à 15h30. Et je te laisse nous redire en un mot le film dont vous avez parlé pendant les deux heures d'émission. Oui, nous avons parlé des spectres hante l'Europe de Maria Curcuta et Nikki Giannaris. C'est un film que j'ai découvert en 2016 à Montpellier, au Festival du cinéma international méditerranéen. C'est un film qui sort le 16 mai. C'est un film que je défends depuis octobre 2016 parce que je pense qu'il a non seulement une manière de filmer sur la technique, sur la décision, les choix cinématographiques, mais aussi sur le fond, c'est quelque chose qui porte un message différent. Puis en plus de ça, c'est deux nanas qui sont devenues des amies et qui ont une manière d'envisager, de filmer d'une manière qui m'intéresse beaucoup. Voilà, donc on rappelle que c'est donc un film autour des migrants, autour du camp d'Idoménie en Grèce, un camp qui a été installé entre septembre 2015 et mai 2016. Alors, en fait, pardon, oui, je te coupe. Dis-moi. C'est vraiment l'idée de passage qui est l'important dans le film, qui est essentiel. L'idée de passage, comme l'avait envisagé par exemple Walter Benjamin dans ses critiques sur le cinéma, etc. Et ça, je pense que c'est très important aussi de le dire. Merci Christiane. Voilà, on fait un petit rappel de ce qui se passe. Donc c'est un triple crossover, quoi. On va tout de suite commencer. Alors avec le premier des deux films ce soir, on va parler de deux films. On va parler tout à l'heure d'un film d'animation qui est Have a Nice Day de Liu Yan. Et on va tout de suite commencer par contre par Reprise. Donc un documentaire d'Hervé Leroux, un documentaire qui date de 1996. Un voyage, j'ai envie de dire, au cœur de la classe ouvrière. 3h12 pour rendre la parole à celles et ceux auxquels on confie que le droit à la représentation politique comme médiatique. Alors le synopsis, je vous livre le synopsis tel qu'il est dans le dossier de presse. Ça fait toujours moins de boulot. Le 10 juin 1968, des étudiants au cinéma filment la reprise du travail aux usines Vondère de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière, en larmes, crie, dit qu'elle ne rentrera pas. 1997, le réalisateur Hervé Leroux part à la recherche de cette femme en rencontrant d'anciens ouvriers, militants et syndicalistes, en leur donnant la parole. Cette quête amoureuse et cinématographique, quasi obsessionnelle, va dérouler un pan d'histoire enfoui. Alors voilà pour présenter déjà le film. Alors on précise que le film était sorti effectivement le 26 mars 1997 et qu'il va donc ressortir en copie restaurée le 30 mai prochain. Alors il y a des avant-premières, si vous voulez le voir déjà. Alors pour ceux qui seraient à Cannes, il sera présenté donc le mardi 15 mai à 14h dans le cadre de la sélection de l'acide en séance spéciale 50 ans de mai 68. Et c'est un partenariat avec la Cinémathèque du documentaire. Mais si vous n'êtes pas à Cannes, ce n'est pas le cas de tout le monde d'être à Cannes, vous pourrez le voir aussi à Paris, puisque ce même jour, le mardi 15 mai, à 19h, il sera présenté au Forum des Images, en présence de Richard Coppens, qui, pour les films d'ici, a été un des deux producteurs du film à l'époque. Alors, une petite bio autour d'Hervé Leroux, hein, puisque, outre Reprise, on doit à Hervé Leroux deux comédies d'Où sa mère, deux films de groupe et d'individualité, deux films d'amour pour des trentenaires sur lesquels, malgré les vicissitudes de l'existence, souffle un vent léger porté par des titres qui rendent tous les désirs possibles. Grand bonheur en 1993, et on appelle ça Le printemps en 2001. À noter, du côté plus triste, c'est vrai que Hervé Leroux donc nous a quittés en juillet 2017 l'année dernière. Et évoquer Reprise, là je vais faire justement ma petite Madeleine de Proust, c'est un peu rendre hommage à un homme qui fut le premier cinéaste que j'interviewais sur l'antenne de Radio Libertaire. C'était le 25 avril 1998 et c'était pas dans longtemps, je me suis couché de bonne heure, c'était dans la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Et finalement, c'est peut-être lui qui me donna le goût de continuer, et la radio, et cette activité parfois saugrenue de critique de cinéma, n'est-il pas Gilles Tourment ? Voilà, c'était hors antenne tout à l'heure. Alors, longtemps, je me suis couché de bonne heure, et peut-être né grâce à lui, et nous eûmes d'ailleurs le plaisir de l'y retrouver un soir d'avril 2001 pour évoquer, on appelle ça, le printemps. Et autour du film, donc de Reprise, qu'on va évoquer en votre compagnie à tous les trois dans un instant, Hervé Leroux, ensuite, c'est comme ça que je l'avais rencontré au Salon du Livre, en fait, avait publié un livre autour du film, un livre qui reprenait son désir du film, qui parlait aussi des rencontres que le film allait susciter, ensuite qui parlait du montage et qui parlait aussi de l'après, c'est-à-dire les projections où soit ceux qui avaient participé au film, soit d'autres personnes venaient effectivement interviewer, parler à Hervé Leroux de ce qu'il pensait. Et j'ai envie de vous livrer, puisqu'on a un petit peu de temps, j'ai envie de vous livrer le début du livre, qui sera la plus belle des présentations, donc un livre d'Hervé Leroux. Et donc, c'est Hervé Leroux maintenant qui s'exprime, et non plus Francis Gadel, ça nous change. Une femme qui crie. Je ne vais pas vous raconter ma vie, nous ne sommes pas là pour ça. Mais il se trouve qu'en 1981, je suis resté des mois sans pratiquement jamais sortir de chez moi. J'occupais un petit studio en haut de la rue Saint-André-des-Arts. Officiellement, je terminais une thèse, ne me demandez pas laquelle. Je n'avais pas de cours et peu d'argent. Je passais mes journées à lire, les quotidiens, les hebdos, les mensuels, tout. Un vrai papivore. Je ne voyais personne. Je ne prenais même plus la peine de descendre la rue pour aller au cinéma. Au Saint-André, bien sûr, ma salle fétiche d'alors, celle-là même où quelques années plus tard allait être programmée reprise. Ma seule sortie quotidienne consistait à me traîner le matin à 8h30 jusqu'au carrefour Bussy pour y faire l'ouverture de la supérette. À l'aller, je renouvelais ma provision de cigarettes au café-tabac, la nuit m'avait souvent laissé en panne. Au retour, ma provision de lecture au marchand de journaux. Je devrais dire chez, mais comme son étal était dans la rue. Si l'on me demande où j'étais un jour en mai-juin 81, voici la réponse. J'étais chez moi, je n'en ai pas bougé. Deux catastrophes majeures, à tout le moins pour mon mode de vie, survinrent coup sur coup durant cette période. L'arrêt successif de mes deux publications favorites, celles auxquelles je consacrais le plus de temps. Libération arrêtée pour cause de nouvelles formules et Charlie Hebdo lancé en représailles dans une aventure éphémère quotidienne. De rage, j'arrêtais de lire, ce qui réduisit encore mes sorties. Pour le tabac et les courses, je pouvais me contenter d'un raid tous les 3-4 jours. Il suffisait d'acheter les cigarettes en cartouche et les yaourts en pack de 12. Ma dernière visite, ma visite d'adieu au marchand de journaux, fut pour lui prendre deux gros numéros spéciaux des Cahiers du cinéma consacrés à la situation du cinéma français. J'ai passé l'été 2001 à lire, relire et relire encore ces deux numéros. On y trouvait les réponses de 200 cinéastes, dont je connaissais à peine le quart, un questionnaire éclectique, des études définitives sur des auteurs qui m'étaient pour certains familiers, Piala, Mocky, pour d'autres pas du tout, Garel, les Straub, des papiers savants sur la production et la technique dont je ne comprenais pas un traître mot, ma cinéphilie n'était alors que pas des plus pointues. Je lisais vraiment pour le plaisir du texte, et puis il y avait les images, les photos, quelques dessins, l'un de Tati. Dans le premier des deux numéros, deux pages intitulées « Le cinéma direct en 10 images » étaient consacrées au cinéma documentaire. Serge Danet et Serge Le Perron avaient choisi 10 films, avec pour chacun un photogramme et un petit texte genre haïku. Pêle-mêle, Histoire d'A, le film de Depardon sur la campagne de Giscard en 74, 50,81%, Jeunesse d'un repas de Luc Moulet, Comment Yukong déplaça les montagnes de Joris Stevens et La reprise du travail aux usines Vonder. Le photogramme, une jeune femme brune qui, nous disait-on, ne voulait pas aller travailler, comme je la comprenais. Le titre, la sortie des usines Lumière, bien sûr, et cette usine nommée Vonder, Vonderland, Alice sommet d'aller à l'usine. Je ne sais pas si sans cette lecture monomaniaque de l'été 81, j'aurais un jour écrit au cahier du cinéma et plus tard essayé de mettre en scène des films. Je sais simplement que Reprise vient de là. Juste avant qu'on tourne, j'ai exhumé le vieux numéro des cahiers. J'étais persuadé que le photogramme montrait la jeune femme en train de crier. En fait, non. Elle est muette au milieu de l'image dans sa blouse blanche. Bras croisés. Sans doute rien d'autre qu'une attitude familière. Je les vois bien, ces ouvrières de chez Vonder, s'attendant les unes les autres le midi en blouse blanche, les bras croisés à la porte de l'usine. L'hiver, piétinant un peu sur place pour combattre le froid. Sauf que ce jour de reprise, les bras croisés, ça dénote tout de suite autre chose. C'est la grève qui continue. Il y aurait ainsi celles et ceux qui reprendraient le travail et celles et ceux qui, ostensiblement, resteraient les bras croisés. Le reste de la photo pousse dans ce sens. La jeune femme est le seul personnage immobile. Tout dans son visage indique le refus. Son menton relevé, le refus de baisser la tête. Sa lippe, le refus de la fermer. Autour d'elle, on semble s'agiter dans tous les sens. Au premier plan, un homme, la cravate en bataille, nous l'appellerons l'homme à la cravate, tord le cou pour regarder droit de cadre. La blancheur de sa chemise et la blancheur de la blouse de la jeune ouvrière qui claque dans une image charbonneuse, comme si la saleté de l'usine avait contaminé la tireuse. Quand ai-je commencé à croire qu'elle criait sur la photo ? Probablement après avoir vu le film. C'était en 82 ou 83, je le guettais dans les programmes de la Cinémathèque, il passait de temps en temps. De tous les films tournés en 68, c'est probablement le plus connu, le plus diffusé d'une manière militante dans les années 70, le plus cité sur forme d'extrait dans les émissions commémoratives dont la télévision est le secret. Peut-être parce qu'à la différence des autres de tous les autres, c'est un film presque sans montage. Un plan d'ensemble suivi d'un plan séquence, sans commentaire, bref, sans manipulation possible, brut. Donc un jour je l'ai vu, et je l'ai entendu crier qu'elle ne mettrait plus les pieds dans cette tôle. Cette voix, sa coiffure, tellement nouvelle vague. Et puis ce chef du personnel, blouse grise, coupe en brosse, le regard perçant derrière ses lunettes finement cerclées, appelant le personnel de chez Vonder à rentrer tranquillement. Un petit geste de la main qu'il a au passage de chaque ouvrier, chaque ouvrière, comme pour les pousser dans la gueule de l'usine. Et les ouvriers, les ouvrières, qui rentrent en baissant un peu la tête quand ils passent la petite porte d'entrée. Voilà ce que j'ai vu. Après seulement, j'ai vu le reste. Cette extraordinaire concentration sur quelques mètres carrés de trottoir de tous les personnages du petit théâtre de 68. La jeune ouvrière révoltée qui parle avec ses tripes, les militants de la CGT qui appellent à la reprise, le jeune gauchiste de service qui dit qu'on n'a rien gagné. Voilà, c'est donc le début du livre que Hervé Leroux donc, avait consacré à Reprise, qui s'appelle d'ailleurs Reprise et qui était sorti chez Calman Lévy. Je ne sais pas si on le trouve encore. Alors je me tais enfin et je vous passe la parole à vous trois, bah, justement pour nous parler de vos sensations face à ce film fleuve qu'est le Reprise d'Hervé Leroux. Christiane, tu commences. Tu ne voulais pas commencer, tu me l'avais dit hors antenne, ouais, et c'est ça la magie de l'antenne. Bah alors voilà, du direct. Donc moi je vais d'abord dire que j'ai vu le film à sa sortie. Justement dans le cinéma où il était programmé et que je me rappelais très très bien de ce film et surtout si tu veux quand je l'ai vu qu'il était à nouveau qu'il ressortait en copie restaurée je me suis dit ça c'est génial. Je me souviens de séances où on refusait du monde pour voir ce film. C'était bourré mais complètement et donc les gens y avaient quitté un peu quelques-uns debout quelques-unes mais sinon bon c'était vraiment énormément de monde. Le film de le retrouver à nouveau sur grand écran, ben ça m'a beaucoup intéressé parce que pour moi c'est certainement le film de Leroux, la manière dont il a envisagé de traiter du sujet. C'est très intéressant dans le sens où il prend effectivement ce petit film qui a été tourné par des étudiants qui sont de l'IDEC à l'époque. La FEMIS maintenant. Voilà. Et donc, ils ont fait un petit film comme ça, hop, un plan. Mais lui, il a repris le film lui-même et il a fait un montage à l'intérieur de son film où qui est en fait il essaye de retrouver les personnes du fameux film et le montage en fait il ponctue chaque plan, chaque retrouvaille, chaque rencontre, chaque commentaire avec ce film qui revient et qui montre un petit peu la vision des personnes, c'est-à-dire dans leur mémoire. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire l'utilisation de la mémoire. Qu'est-ce que vous vous souvenez, vous ? Donc, il montre le film, on voit les gens en train de regarder sur un écran télé le film, et après, ils font un commentaire. Et ils font un commentaire avec leurs souvenirs, leur mémoire propre. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez fascinant, et je me suis souvenu donc d'une phrase de Leroux qui disait « Qu'est-ce que le cinéma si ce n'est une production de mémoire. La démarche était de retrouver cette femme, et en chemin, j'ai rencontré tous ceux, je rajouterai toutes celles, qu'on voit dans le film, leurs paroles, leurs histoires, leur mémoire. Ça veut dire que chaque personne qui intervient dans le film se réapproprie sa propre vision et en même temps le film qui a été fait par les deux étudiants. Ça, je trouve ça, moi, ça m'a fasciné. Ça m'a toujours aussi autant intéressé. Et je dois dire que les 3 heures de projection, il n'y a pas un moment où je me suis dit, oh ben quand même, là, on aurait pu un peu couper. Ben non, pas du tout. C'était vraiment superbe. Bon, et alors, est-ce que Gilles, Alexis, quelqu'un s'est dit, on pourrait un peu couper ou... Toi, Gilles, tu découvrais le film, en fait. Oui, moi, je découvrais le film, et j'avoue, alors, je vais complètement dans le sens de Christiane. Ce qui est intéressant, et moi, ce que j'aime toujours dans les films, et encore plus dans les documentaires, c'est moins le contenu que ce qu'il autorise une fois qu'il est terminé. Et la déduction qu'on en fait. Alors, effectivement, moi, je rejoins Christiane, c'est un formidable film déroulé de ce que la mémoire nous fait conserver. Et ce qui est à la fois merveilleux et triste, c'est qu'on s'aperçoit que ce dont parlent les personnes interviewées, c'est leur jeunesse enfouie, et que ils en arrivent à oublier les souffrances qu'ils ont endurées au profit de la joie qui était d'avoir 20 ans à cette époque-là, ou 30 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, ce côté servitude volontaire qui n'a pas disparu de nos jours. C'est-à-dire qu'on sort de là, des gens ont souffert, ont accepté de souffrir, et ne remettent pas ça en cause. C'est ça qui... Et il y a une acceptation de cette servitude. Et en même temps, je me disais, en regardant dans ce documentaire, c'est formidable à quel point la détresse des plus démunis intéresse peu le cinéma, à part quelques documentaires, quelques films. Alors parfois on a brisé, il y aurait aujourd'hui, dans le temps, on a eu Carnet, on a eu Renoir, mais la classe ouvrière qui a ses mythes, qui a son histoire, en tant que classe, j'entends pas par des individus qui la représentent, est si peu traitée au cinéma. Et là, c'est fait à travers les interviews et la façon dont c'est agencé, avec une véritable empathie, un véritable amour et un véritable respect de ce qu'ils sont. Et en même temps, ce qui est merveilleux dans ce documentaire, c'est, et là je vais sortir du documentaire lui-même pour ce qui le constitue, c'est-à-dire le mot documentaire. On sait que le documentaire, étymologiquement, c'est quelque chose qui instruit, dont les deux acceptions du mot, instruire, transmettre, apprendre, et instruire dans le sens d'édifier, construire. Et quand je suis sorti de ce documentaire, effectivement, la première chose que j'ai faite, et c'est pas dedans, c'est de me précipiter sur Internet pour voir comment s'était passée la guerre d'Espagne. Et c'est extraordinaire, et c'est pas pour rien que je dis ça, et c'est là où je trouve que ce documentaire est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve la guerre d'Espagne, 36-39, ce documentaire, 68, 30 ans plus tard, les mêmes clivages entre un parti communiste qui va trahir les ouvriers et les membres de l'extrême gauche qui les entourent, comme il a trahi le PUM et la CNT en Espagne, exactement les mêmes clivages. C'est-à-dire que, et on se rappelle après qu'en 68, Chirac a rencontré Krasucki pour éviter que le mouvement appartienne aux ouvriers et à l'extrême gauche. Et donc c'est intéressant. Là donc j'ai appris. Première vertu de ce documentaire. Il m'a fait sortir du documentaire pour aller dans l'histoire. Et la deuxième, c'est donc, j'ai réalisé jusqu'à ce que je le vois que, comme tout le monde, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements sociaux, et j'utilisais l'expression « avantage acquis ». Et en voyant ce documentaire, je me suis dit, mais on est baisé, excusez-moi pour l'expression triviale, mais on n'a pas envie, voilà, j'ai pas envie d'utiliser un mot propre, parce qu'on est vraiment trahi. Avantage acquis. Acquis, acquisition, commerce. On peut acquérir un avantage en l'achetant, dans le confort. Et quand on voit ce documentaire, on se dit non, ce sont des avantages conquis. C'est-à-dire que là, on trouve des gens qui sont dans la détresse, la souffrance. Cette femme est l'emblème de cette souffrance. Elle va retourner dans un monde en sachant qu'elle ne va rien gagner. Et si la gauche aujourd'hui, quelle qu'elle soit, de la plus modérée à la plus militante, utilisait le terme d'avantage conquis, peut-être que les gens seraient beaucoup plus motivés pour les défendre et se souviendraient que rien n'est acquis, que tout est à conquérir. Et c'est ce documentaire, et là je suis dans la deuxième acception du terme, qui m'a instruit de la situation d'aujourd'hui et d'à quel point la sémantique pouvait banaliser et trahir ceux qui portent le combat. Oui, alors juste avant de donner la parole à Alexis, bien sûr, mais peut-être que dans ce cas-là, on pourrait parler plus que davantage, de droits conquis. Bien sûr. Alors, je suis puisqu'on parle de sémantique, entièrement, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout de... Je suis entièrement d'accord. Je fais mien cette de la modification. Merci, camarade. Non, mais c'est vrai. Alexis, comme alors toi, tu découvrais le film aussi. Oui, comme quoi vaut mieux passer en premier, tellement de choses intéressantes et importantes qui ont été dites, qu'après on se dit, est-ce que vraiment c'est intéressant ce que je vais dire, mais en effet, c'est une découverte. J'avoue, à ma plus grande honte, je ne connaissais pas Hervé Leroux, et donc j'ai appris au moment de voir le film qu'il était décédé l'année dernière, donc c'était d'autant plus touchant, évidemment, de voir ce film. Je pense que là, il y avait une force d'autant plus. Moi, il y a quelque chose qui m'a pété. Il y a trois choses. De toute manière, il y avait le discours sur le film, le discours du film, et enfin la vision politique. J'ai un peu changé, mais il y a le film. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un vrai film. Et d'ailleurs, quand je dis un vrai film, vous allez comprendre, c'est que d'ailleurs, dans le dossier de presse, Hervé Leroux dit « Je ne suis pas documentariste, j'ai horreur de ce mot. » Reprise, c'est un long métrage comme un autre, mise en scène. S'y mettre en scène, c'est bien choisir un décor. Et il dit bien, justement, cette complexité, finalement, de fiction et de documentaire. Et on est pris complètement, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas long, c'est qu'on est pris complètement, finalement, dans cette aventure, puisque c'est une aventure. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un cinéma qui n'est pas révolu, mais quasiment. C'est un cinéma qui prend son temps. C'est extraordinaire. C'est un cinéma où d'un seul coup, on pose une caméra et on se dit pas, tiens, je vais faire un mouvement de caméra parce que je peux le faire. Juste, on laisse la parole. On n'est pas dans du faux... document. Moi, je suis très très dur avec striptease ou des choses comme ça où on joue beaucoup. Là, on est d'un seul coup. On a des gens qui veulent parler et qui parlent et on les laisse le plus possible. On va dire pas se tromper, mais chuter un petit peu de temps à autre, puis revenir. Il y a ce moment extraordinaire qui est purement comme une fiction et qu'un documentaire où tout bascule. C'est ce couple qui est absolument sublime. En plein milieu, il y a un couple et il y a l'homme, et on est vraiment dans une époque aussi, qui parle et qui dit non, j'ai raison, et la femme qui le regarde et comme lui dire mais t'as tort. Bon, mais si tu veux avoir raison, c'est toi qui as raison. Au même moment, la nuit des morts vivants, qui peut paraître un peu surprenant, mais 68, pareil, il y a la même scène, et on est dans un film d'horreur, avec le mari qui dit « mais j'ai raison », et la femme qui le regarde et qui fait « ouais, ça c'est important pour toi d'avoir raison ». Et on est vraiment dans ce clivage-là qui est très fort. Et donc ça, c'est extraordinaire. Il y a des moments hors champ qui sont sublimes, il y a ces fragments du film initial qu'on voit de temps à autre, et qui finalement on va tout voir, mais par bribes. Je trouve que c'est un film avec une mise en scène discrète, mais qui est vraiment là, mais qui montre une complexité de galerie de personnages que je trouve extraordinaire. Parce que finalement, on les a tous en tête. C'est des gens qui vont d'un seul coup, encore une fois, se tromper, revenir en arrière, dire on va être plutôt en empathie avec l'un, l'autre on va dire oh, je l'aime un peu moins, etc. Et on va vraiment vivre avec eux. Il y a le discours du film, ça c'est incroyable, moi qui suis prof, et quand je vois l'envie politique de la plupart des jeunes gens aujourd'hui, que je trouve à la fois extraordinaire, et j'ai envie de leur dire, de leur montrer ce film, mais regardez, il y a 50 ans déjà, ce qui a été mis en place, qui est extraordinaire, c'est finalement en effet, quelle société on veut ? Est-ce que c'est un combat jusqu'à la fin, sans concession ? Est-ce que c'est un combat, en effet, avec des conquêtes petit à petit ? Qu'est-ce qu'on désire, finalement, aujourd'hui ? Est-ce qu'on va vers les syndicats ? Il y a une phrase incroyable, on dit, c'est ou les syndicats ou la politique. C'est quoi, finalement, les syndicats ? Et qu'est-ce que c'était à l'époque ? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, il y a une critique très forte, là, évidemment, du syndicalisme et de ce qu'est devenu le syndicalisme aujourd'hui. Extrême-gauche, évidemment... Il l'a très bien dit, je ne dirais pas, doit-on passer par les urnes ? C'est aussi un film qui parle de cet enfoiré de tapis. Enfin, quand même qu'il arrive à crever, ce type-là, parce que c'est pas possible. Je veux dire, il est. Non, mais c'est une ordure. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire les termes, comme tout à l'heure. Je pense que ce type. Je veux dire, là, on a des gens qui veulent vivre, et c'est un type. Je ne comprends pas qu'on puisse encore. Enfin, voilà, c'est quelque chose, moi, qui me dépasse, et plus on avance. Plus on se rend compte que, enfin voilà, il y a cette femme qui lui a donné ce coup de parapluie qui dit je veux plus en parler, mais on sent, enfin voilà, toute la dureté du moment. Et ça, je trouve ça beau. Et c'est aussi, et je finirai là-dessus, et après, voilà, c'est aussi le portrait d'une époque où nous, moi, je n'étais pas né en 68, de perte et de désillusion, à mon avis, désillusion du côté ouvrier seulement. La défaite de mai 68, quand Louis Morin dit qu'est-ce que c'est du vent, tout ça, mais, et à la fois, on a tellement envie que ce combat revienne, il est tellement important. C'est tellement important, on nous dit quand même, on parle de Germinal à un moment donné, on est dans une époque avec des femmes non syndiquées, c'est le Moyen-Âge total, les femmes sortent de l'école à 14 ans, 14 ans, c'est aberrant, enfin, quand on entend ça, gagnent 1,32 francs de l'heure, ne peuvent même pas avoir leur salaire, souvent parce que c'est leur mère qui vient chercher leur salaire. Je trouve ça, c'est un film qui est en plus bouleversant aujourd'hui par rapport au combat qu'on doit encore en effet mener aujourd'hui. Gilles. Oui, et pour aller dans ce sens-là, il y a aussi une phrase qui est extraordinaire, et surtout aujourd'hui, c'est qu'il y en a un qui dit « Un patron tombe malade, ça continue d'avancer, mais si nous, personne ne vient, il se passe quoi ?» Et je voudrais qu'on réfléchisse beaucoup à cette phrase aujourd'hui, où on fait tout pour empêcher le groupe de se mettre en grève, et on met les patrons en avant en disant, elles sont pensées que quand il y a une grève, maintenant, ce qu'on met en avant, c'est le coût que ça a. Et non pas le coût pour ceux qui y travaillent, mais le coût pour la société, parce qu'on est beaucoup plus sensible à l'argent que ça coûtera. Et ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire, où il est très très très fort, c'est que lui, le réalisateur, n'intervient pas. Ce sont les interviews qui se complètent ou se contredisent. Et effectivement, ce personnage, il y a une bonne sœur extraordinaire de militantisme, et il y a cette femme, Marguerite, qui donne des coups de parapluie à tapis, et qui en même temps, et c'est là où il est particulièrement intéressant, parce que n'intervenant pas, elle, à la fois elle est merveilleuse quand elle donne ses coups de parapluie, mais quand elle parle des ouvrières qui sont en dessous d'elle, d'un seul coup, il y a toute la supérieure qui dit « Oui, oh, il y avait du ménage à faire, haha », dit-elle. Et là, on sent d'un seul coup que personne n'est blanc, noir, et ça, c'est merveilleux. Voilà. Je voulais rappeler ça, c'est somptueux, c'est analyse de caractère qu'on voit, et la dispute du couple qui était merveilleuse aussi, c'est pour au sujet de la définition que qu'était-ce la première ouvrière. C'est-à-dire, est-ce que la personne dont on parle surveillait les autres, ou est-ce que première ouvrière, simplement celle qui travaillait mieux que les autres ? Et c'est là-dessus qu'ils se disputent. Et plus vite. Et plus vite. Et c'est savoureux. C'est une leçon de psychologie. Alexis. Juste vraiment, c'est un film superbe sur la complexité de l'être humain et qui laisse place sur, en effet, ah, cette personne, on est avec elle, ah, puis finalement, non, et puis finalement, on vient, et puis, ah, tiens, il est pas si, ah, puis, ce syndicaliste là, qui veut parler absolument de son Algérie, et qui veut absolument parler d'autre chose, c'est bouleversant. Voilà, c'est vraiment ça. Christiane, un dernier mot peut-être. Oui, moi je voulais surtout souligner le fait que, en fait, dans ce film qui a été filmé au moment de 68, cette ouvrière en juin, donc cette ouvrière inconnue, je ne dirai pas la fin parce que je crois qu'il faut laisser la surprise, il y a quelque chose qui se passe. Elle est le symbole du refus des accords de Grenelle du 27 mai 68. Et elle se retrouve complètement phagocytée, entourée par des syndicalistes qui, eux, disent « Bah oui, bah, tu sais bien, faut savoir arrêter une grève, on connaît la chanson qu'on nous... » Et qui dit « Non, je refuse. » Donc elle est vraiment la figure symbolique de la résistance des femmes. Or, il se trouve que dans les années 70, après, il y a eu toute une lutte des féministes qui, et à mon avis, elles représentent ça aussi. Et on l'a, bon, je dirais pas la fin parce que je veux pas déflorer, voilà. Mais je pense que ça, c'est très important parce que, en fait, cette femme qui crie, puis qui leur met dans le nez, quoi. Les autres, ils essayent. Même le mec d'extrême gauche qui dit, non, mais il faut qu'on passe, qu'il ose pas trop quand même. Il dit, les syndicalistes vont me virer, donc il vaut mieux que je ferme ma gueule. D'abord, il a terminé dans un bar en faisant du surf. Bon, c'est votre très bien. Non, mais j'ai rien contre, hein. C'est pas une critique. Mais bon, on voit quand même que ces trucs, c'est son petit livre rouge ou s'il était à la GP, je sais pas. Bon, enfin, bref. Il a un peu tourné casaque. D'abord, c'est le seul à rire. De la situation. Les autres, ils regardent ça sérieusement. Lui, bon, il a un petit sourire un peu ironique. Il était dedans, il n'était pas dedans. Bref, lui, il était tout jeune, il a vu le truc, il s'était mis à côté de l'ouvrière, il essayait d'arranger un peu les choses. Mais cette femme, elle est toute seule. Oui. Toute seule contre tout le monde. Les syndicalistes qui lui disent, mais non, écoute, mais il faut comprendre, il la raisonne, etc. Et en fait, elle va se faire avoir. Ce qui est intéressant, c'est que elle rentre, mais on ne sait pas si elle reste. Voilà, alors on va finir là-dessus. Mmh. Alors, donc, et on va rappeler donc, qu'il s'agit de Reprise, le film d'Hervé Leroux, qui sera en salle le 30 mai prochain, que vous pouvez voir si vous êtes à Paris en avant-première au Forum des Images, mardi 15 mai à 19h, en présence de Richard Coppens, qui était un des deux producteurs au film d'ici. On peut signaler que les éditions Montparnasse ont édité le DVD du film. Et je tiens, parce que c'est un peu flippant, parce que quand on regarde au dos du DVD, on voit durer 98 minutes. Je rassure tout le monde, j'ai vérifié. En fait, c'est juste une erreur. Le film dure bien 3h12 dans le DVD également. Donc, je vous propose une petite pause, un petit détour par le Brésil, et on revient tout de suite après pour parler de notre deuxième film. We'll be right back. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Suite de notre table ronde critique en compagnie d'Alexis Huneau, Gilles Tourment et Christiane Passevant. Alors là, je désannonce qu'on vient d'écouter. En fait, on vient d'écouter un extrait de du dernier album d'Arto Lindsay qui était déjà sorti en avril dernier, qui s'appelle Cuitado Madame. Alors Cuitado Madame, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi toujours. Alors le running gag avec Gilles, j'ai fait des recherches. Donc en fait, c'est inspiré d'un film de Julius Bressane qui s'appelait Attention Madame, un film donc du cinéma novo des années 70, et qui racontait en fait comment une servante, une domestique dans la société brésilienne décidait de poignarder leur maîtresse. Voilà, donc un peu à la manière des bonnes de Genet, qui était une des influences de Julio Bressane pour ce film. Et donc Arto Lindsay s'inspire de ce film. Arto Lindsay, il faut le savoir, c'est un petit peu le plus brésilien des Américains. C'est un dandy qui serait à mi-chemin entre Caetano Veloso et puis Jones Forn qui revendiquerait autant Jobim que Brian Eno. Voilà. Et donc là, cet album, bah, c'est un petit peu ce mélange entre le côté new-yorkais avant-gardiste et le côté j'ai presque envie de dire tribal de la musique brésilienne plutôt qu'en candomblé. Et pourquoi donc j'ai fait cette pause Brésil au milieu de notre table ronde ciné, c'est parce que le Brésil sera bien évidemment l'invité d'honneur du prochain festival du film d'animation d'Annecy en 2018, aussi puisque c'est un peu une émission comme ça où transversalement on évoque les luttes de mai, d'hier, d'aujourd'hui. On peut aussi dire que la situation du Brésil aujourd'hui est une situation plus que difficile, et qu'un coup d'État quand même d'extrême droite si distille de manière complètement souterraine et en même temps très très ouverte, puisqu'on peut tuer des députés dans la rue de Rio sans être inquiété. Donc voilà, en tout cas, on va découvrir à Annecy donc un cinéma brésilien d'animation, qui est un cinéma qui revient complètement au devant de la scène avec des tas de réalisateurs et de réalisatrices très très différentes. Donc ce qui est un bien, ce qui est agréable. On peut après se demander si effectivement il y aura au moment d'Annecy comme ça des tables rondes politiques, des prises de parole politiques. Mais on peut se dire que ça sera un petit peu comme Cannes. Peut-être c'est que la révolte ouvrière, les migrants, c'est très beau à l'écran. On adore ça parce que on est bien évidemment avec eux quand on les voit à l'écran. Ça sera on sera à fond avec le film de Stéphane Brisé En guerre avec Vincent Lindon, en voyant ces ouvriers qui luttent, et on sera contre, mais pas tant que ça finalement, les gens de la SNCF. On sera pour l'action de Cédric Héroux dans la vallée de l'Aurora, en voyant le Libre de Michel Tosca qui passera en fin de festival, mais que peut-être si on veut pas accueillir les migrants, on pourrait se faire fermer par peur. Donc tout ça pour évoquer un petit peu de manière détournée le festival d'Annecy, et surtout pour parler d'un film, donc Have a Nice Day, qui est le deuxième long métrage d'animation du cinéaste chinois Lu Yang, qui pourrait se définir comme l'improbable croisement, hein, si l'on reprend la comparaison établie dans le dossier de presse par Denis Valgenwitz, lui-même réalisateur de films d'animation, donc un croisement entre Ken Loach et Quentin Tarantino, donc un mixte entre satire déjantée et noirceur sociale. Alors toujours par feignantise, le synopsis tel qu'il est dans le dossier de presse: une sombre pluie va s'abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Zhao Zhang, simple chauffeur pour le compte d'un mafieux local, dérobe à son patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet acte désespéré se répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Zhao Zhang et du sac. Alors le film sera dans les salles le 20 juin prochain. Petite présentation quand même du contexte autour du film. Après, je vais vous laisser parler du film lui-même, mais aussi sans doute du contexte. En juin 2017, donc, le film devait être présenté en compétition officielle long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, mais avait fini par être déprogrammé par les organisateurs du festival suite à la demande, dans un premier temps, donc, du bureau du cinéma chinois. On rappelle que c'est l'administration qui contrôle le cinéma en Chine, où le 7e art est un monopole d'État. Puis, dans un second temps, par les producteurs du film qui eux-mêmes avaient dû subir une pression des autorités chinoises. Donc l'équipe du festival avait retiré le film afin de ne pas mettre en péril dans leur propre pays la sécurité de l'artiste et ses producteurs. Alors, à rappeler, pour continuer à donner du contexte, c'est que cette année-là, la Chine était le pays invité d'honneur du festival d'Annecy, et le régime de Pékin ne souhaitait donc pas voir offrir la plus belle des expositions possibles, une place en compétition et une potentielle présence au panorama à une œuvre qui exposait une image non conforme aux attentes du gouvernement du peuple chinois. Séance de rattrapage donc, hein, Have a Nice Day sera de fait présenté cette année en séance événement au Festival d'Annecy et bénéficiera donc d'une sortie salle, là où Persing Wand, on va peut-être en parler aussi, son premier long métrage dérive existentielle sordide dans une métropole laminée par le chômage et la corruption, n'avait jamais trouvé ni distributeur ni vendeur international. Alors, qu'un même sujet, dans un film en prise de vue réelle, on peut prendre comme exemple un film de Jia Zhangke ou de Lou Ye, bah, serait sorti en salle, en surfant sur la forte impression qu'il avait provoquée sur les festivaliers lors de sa projection. On notera, comme toujours, ce qui devient fatigant, tellement on s'en est bête à manger du foin comme comportement, que les censeurs, en tentant de rendre une œuvre invisible, ne finissent que par exacerber le désir de la révéler et de la découvrir. Donc, qui se lance? Gilles. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé ce dessin animé, ce film d'animation, mais j'ai d'autres références. J'ai d'autres références. J'ai un film coréen qui était sorti il y a 2 ans, qui s'appelait Hard Day. Alors c'est drôle parce que c'est le titre inverse, hein. Have a nice day, passez une bonne journée, et Hard Day, une journée noire, pourrie, et où c'est un commissaire de police. C'est ça, une journée de merde. Puisqu'on en est à ces mots. Et alors, c'était un commissaire de police qui n'arrivait pas à se débarrasser du cadavre d'un piéton qu'il avait renversé, qui poursuivait comme ça pendant tout le film, et un film qui ne nous rajeunira pas, qui est Madame 2, où je rappelle l'histoire, une femme vend ses boucles d'oreilles que lui avait offertes son mari, et puis par un jeu bizarre de la vie et de l'ironie des liens, les boucles d'oreilles vont retomber entre les mains de son mari à la fin du film. Voilà. Et bien là, c'est la même chose, sauf que l'objet transitionnel qui va passer comme ça de main en main, et voire transactionnel, c'est 500 000 yuan. Et j'ai trouvé que c'était très très drôle de faire de ces billets le transmetteur de tous les caractères qu'on va découvrir des personnages dans ce film. Et c'est là où il y a le côté Quentin Tarantino, c'est-à-dire qu'il y a une ironie à travers les personnages qui sont présentés, qui sont profondément respectés dans leur milieu social, c'est-à-dire que leur dialogue correspond à ce qu'ils sont dans la vie. Donc ça va des dialogues les plus triviaux sur la façon de faire l'amour, de grossir, pas grossir, etc., jusqu'au dialogue philosophique et en fonction des personnages. Et ça, c'est très très bien fait. En même temps, ça flingue à tout va. Et ça, c'est à mourir de rire. On est dans les tontons flingueurs. C'est-à-dire que ça meurt, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que devient la mallette et comment le héros qui perd l'argent au départ va ou ne va pas la retrouver à la fin. Et donc, c'est une espèce de balade très légère avec. Et alors, moi, c'est ce qui m'a frappé. D'abord, des décors faits avec une précision pour les amoureux de Blake et Mortimer de Edgar P. Jacobs. C'est-à-dire que vraiment, chaque détail est finement recherché. Les lumières, lorsque ça clignote, on croirait que c'est des vraies lumières. Il y a un moment, il y a un interlude où on voit un fleuve. Alors, on va me raconter, on va peut-être me dire, oui, mais il a d'abord filmé le vrai fleuve. Mais peu importe, à l'écran, c'est magique. Et c'est ça qui est important. Peu importe la technique, c'est ce que ça rend à l'écran. Alors que les personnages, eux, ont une animation pour le moins sommaire, au plus simple. Et cette contradiction entre des décors sublimés et des personnages dans une esquisse tout à fait primaire, je trouve que ça donne un charme particulier. Pour finir, pourquoi j'ai aimé ce film, c'est l'immoralité ou la moralité et l'apostrophe de la fin, puisque ce que dit le réalisateur, c'est peu importe comment l'argent a été acquis, bien ou mal, on s'en fout, ce qui est important, c'est à quoi il va servir. Je n'en dis pas plus, mais cette amoralité-là est absolument délicieuse. Christiane ? Alors moi, je dois dire que je suis passée un peu à côté. Et tu me donnes envie de revoir le film, Gilles. Mais il y a une chose qui m'a frappée. Effectivement, j'ai beaucoup aimé les décors. J'ai beaucoup aimé le dessin. L'animation, je l'ai trouvée un petit peu statique. Faut dire que je sortais de Moutafoukaz. Donc effectivement, ça a été un choc artistique, un choc émotionnel, esthétique. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça a été vraiment complètement autre chose, puisque Moutafoukaz, c'est très très enlevé. Il y a la musique et la fond de balle, etc. Et là, je me retrouvais dans une BD. J'étais pas dans un film d'animation, j'étais dans une BD. Et je me disais, ah bon? Puis alors, les fondus, les machins, je me disais, ah bon, mais alors, il avait vraiment pas de sous, quoi. Il avait pas de budget. Tu vois, j'étais complètement déformée par l'autre film que j'adore d'ailleurs, qui sort le 23 mai, Moutafoukaz. Mais, je suis passée à côté. Je vais peut-être le revoir. C'est intéressant par rapport évidemment à la technique. J'aime bien, la technique n'est pas importante, c'est ce que ça fait. Et puis finalement, faut rappeler, à l'animation, c'est l'image par image, donc on parle pas forcément de mouvement. Ça, c'est à chaque fois, je le dis, à chaque fois, Bulleret, est-ce que La Jetée n'est pas un film d'animation? C'est une bonne question, puisque c'est l'idée de l'image par image. On a rajouté le mouvement, mais après tout, c'est une vraie, vraie question. Donc, en effet, on recevra Olivier Cossu juste après pour Un homme est mort, qui travaille aussi une animation très, très, très, très légère, comme ça. Donc, c'est intéressant. Donc, très intéressant par rapport à ça. J'avoue que Piercing One de Liu Jian, moi, le problème que j'ai, c'est que j'adore Piercing One. C'est un film que je trouve juste sublime et magnifique. C'est un film qui montre la noirceur de ce qu'est à un moment donné cette Chine. Et c'est un film qui aurait été en prise de vue continue, mais censuré à Cannes, ils auraient été, qui est passé à l'époque à Annecy de manière absolument incroyable. Il est passé tranquillement, on l'a vu en compétition, moi je l'ai vu, rien à dire. Et c'est vrai que là, il y a un côté, ils sont stupides, ces censeurs, parce qu'à Venice Day, finalement, personne ne voulait le voir. Moi, je l'ai vu à Zagreb un peu avant. Tout le monde s'est dit, oh, mais t'as entendu parler de ce film? Cannes, censure quasiment purement économique. Soyons clairs, ils mettaient de l'argent cette année-là au Festival d'Annecy. Ça les embêtait en gros un peu de mettre beaucoup d'argent et qu'ils préféraient leur grosse production nulle à la DreamWorks ou à la Pixar. Et ils se sont dit, on va quand même pas mettre un truc comme ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est que là où il y a une noirceur, une dureté de Piercing One avec... Alors, c'est vrai, quelque chose de d'âpre, on est vraiment, on voit la corruption, on voit vraiment, et tout est montré. C'est vrai que le côté tarantinesque, on va dire, qui moi me plaît un peu moins de ce film-là, il y a un côté, mais je comprends en effet qu'un côté un peu plus, allez, un peu plus gaudriole, entre guillemets, qui moi, peut-être à cause du film d'avant, m'a un petit peu embêté, peut-être parce que je me disais, ah ben, je veux encore ce film, vraiment, que je vous conseille, hein. Piercing One, je ne comprends pas que le film ne sorte pas, parce que c'est une claque absolument, mais incroyable, avec encore moins d'argent, encore moins de mouvement, mais d'une dureté noir et blanc absolument sublime. Oui, bah, Piercing One, on essaye des discussions avec Rouge International, donc qui est le distributeur du film, pour essayer que peut-être le film sorte dans l'impulsion de Have a Nice Day. C'est évidemment pas gagné, mais bon, peut-être qu'il y aura cette chose-là. Oui. Mais juste, pardon, allez le voir, on a besoin, c'est aussi le renouveau d'un certain cinéma d'animation chinois, du long métrage, et que oui, on est dans cette idée, on va recevoir, donc, comme je disais, Olivier Cossu, juste après, on a cette idée que le long métrage d'animation veut en effet aussi traiter de choses adultes, traiter des vrais problèmes d'aujourd'hui, pas forcément, par exemple, ce film Have a Nice Day comme Piercing One, pourrait, entre guillemets, comme on dit toujours, être fait en prise de vue continue avec des acteurs, sauf quelques mouvements de caméra, et que non, on le fait en animation, parce que tout simplement le créateur est un cinéaste d'animation et qu'il a envie de parler de choses qui se passent à l'heure actuelle. Et ça, c'est fascinant. Et pour nous, dans l'animation, c'est vrai qu'on commence de plus en plus à grandir par rapport au long métrage. En court métrage, ça fait des années, hein, ça fait même quasiment plus d'un siècle. Mais en tout cas, en long métrage, là, on commence à avoir des territoires absolument extraordinaires. Et Liu Jian fait partie de ces gens qui nous permettent de gagner ces territoires. Il faut vraiment aller le voir comme un film clin d'œil, comme une balade, quoi. Faut pas y aller pour voir un film d'animation pur et dur, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment, voilà, c'est un film complice avec le spectateur, qui invite à revoir ses classiques, qui invite, alors après, à s'intéresser à la Chine, parce que ce qui est montré, il y a quand même des clins d'œil sur la corruption, mais il y a une envie, une espèce, alors je sais pas comment dire, parce que c'est pas un je m'en foutisme, il est vachement bien fait, mais il y a un regard comme ça, dans l'ironie, et c'est ça qui fait, je trouve, moi, le charme de ce film-là. Blasé et ironique, c'est voilà. Et la fin, encore une fois, la fin intéressant et d'une, vraiment d'une douce amoralité qui fait du bien par les temps qui courent. Christiane, un autre mot sur le film? Oh bah, j'ai envie d'aller le revoir. Hein. Du coup. Attends, moi je suis curieuse, hein, je suis passée à côté. Bon, je suis passée à côté. Non, ce que j'ai beaucoup aimé, je le redis, c'est vraiment les décors et les dessins sont vraiment très très beaux. Mais j'ai presque regretté quand tu disais tout à l'heure, tiens, finalement le film de Chris Marker, etc. Eh ben j'aurais bien vu ça tourner comme un, tu vois, comme Chris Marker, c'est-à-dire on enlève même l'animation, tout, allez, du 24 images secondes, mais comme ça. Le mouvement est une grande réflexion qu'on va avoir dans mon métrage, dans le sens où beaucoup de gens sont habitués malheureusement qu'au gros canon hollywoodien de l'animation très très animé, et que ça, c'est intéressant de vous entendre parler tous les deux justement par ça. On va devoir petit à petit, même financièrement, pour pouvoir parler de choses importantes, aller vers un, moi ce que j'appelle un non-mouvement, en tout cas un mouvement qu'on va appeler un mouvement limité. Encore une fois, on va en parler juste après pour Un homme est mort. Olivier Cossu vient d'arriver dans le studio, c'est pour ça que j'en reparle aussi. Mais ça c'est fondamental. C'est-à-dire que ce que tu dis là pour nous, en long métrage, c'est très très important. 24 images secondes, statique, why not? Bon, alors donc, je vais boucler la boucle, hein. Je vous rappelle donc Have a Nice Day, pour ceux qui n'iront pas au Festival d'Annecy, sera dans les salles à partir du 20 juin prochain, si vous voulez le découvrir. Ben on va finir, comme toujours, cette table ronde par des petits coups de cœur. Hein. Donc chacun d'entre vous a le droit à un coup de cœur. Donc je vous rappelle le principe du coup de cœur, hein, c'est quelques mots pour nous parler. Oui, quelques mots, je le fais exprès. Pour parler, il nous prévient. Oui, mais je suis très gentil en fait. Pour parler d'un livre, d'un film, d'un disque, ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on a parlé là pendant une heure de cinéma qu'on est obligé d'avoir un coup de cœur cinéma. Gilles. Eh ben moi justement ce sera un livre. Un livre qui est sorti en plus il y a c'est un livre qui est sorti il y a déjà maintenant 4-5 mois. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est un livre qu'on relit qu'on peut relire tout le temps, c'est Morale provisoire de Raphaël Enthoven aux éditions de l'Observatoire. Morale provisoire, c'est la sélection exhaustive, c'est même pas une sélection, donc c'est de toutes les chroniques qu'il a faites sur Europe 1 pendant 2 ans et demi. Raphaël Enthoven, prof de philo, sauf que lui, il a une qualité, c'est effectivement quand il part d'une expression, il en fait une analyse philosophique et une interprétation de ou un usage qu'on peut en faire dans la vie. Et donc je vous le recommande parce que, par exemple, il explique quand Badelis dit pendant la présidentielle, il est nécessaire que la gauche se rassemble au lieu de dire il est souhaitable. En quoi c'est une escroquerie de dire il est nécessaire et pas il est souhaitable. Ou quand un politique invite un pays à prendre ses responsabilités, ça veut dire en fait qu'il ne fait que manifester son capacité à agir. Voilà. Je prendrai juste ces deux exemples puisqu'il faut aller vite, mais tout à fait. Vraiment, Morale provisoire de Raphaël Enthoven pour penser le monde et devenir citoyen. Christiane. Ben moi, je vais faire ta proposition. Très très. Ben, ça va. Il y en a deux qui se tiennent un peu la main. Il y a d'une part le livre de Fred Alpi, 5 ans de métro, qui est paru chez Libertalia et qui est un livre sur ses expériences. Ce sont des scénettes, ses expériences pendant 5 ans quand il chantait dans le métro. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. On lâche pas le bouquin. Et je voulais aussi dire un petit mot, puisqu'on part de 68, disons un petit peu dans la trame, et bien d'un film qui est déjà sorti fin avril. C'est le film de Jean-Luc Magneron, Mai 68, La Belle Ouvrage, qui est un film qui était sorti en 69 dans la première quinzaine des réalisateurs, qui avait été absolument applaudi, encensé, etc. à cette époque-là, qui, oh bizarrerie étrange, eh bien pas de distribution, rien du tout, le silence total, la trappe. Alors quand on voit le film, eh bien évidemment on comprend pourquoi, parce qu'il est extrêmement, non seulement critique des violences policières, ça c'est sûr, et venant de partout, qui rétablit beaucoup beaucoup de choses, mais surtout il met en réflexion ce qu'a été mai 68 et ce que ça a représenté par rapport à la révolte que ça a été, même si après ça a été récupéré, manipulé, tout ce qu'on veut, il y a quand même un éclat, quelque chose, comme ça s'est passé en juillet 36 et puis dans d'autres moments, et ça je pense que c'est important. Donc c'est mai 68, La Belle Ouvrage de Jean-Luc Magneron. Alors Alexis, ton coup de cœur. J'ai échoué, pourtant je vous promets, j'ai essayé, je vous promets. Au début, je voulais partir sur le côté film maudit, comment un film massacré à l'époque de sa sortie et amputé de presque la moitié de sa durée peut heureusement renaître 30 ans après. Non seulement renaître, mais reprendre sa place à même niveau que les deux autres chefs-d'œuvre de son auteur que sont Touch of Zen et Raining in the Mountain. Je voulais insister sur le fait que pour la plupart d'entre nous, les fans de King Wu, lorsque nous avions découvert Legend of the Mountain, on l'avait négligemment mis de côté, comme une œuvre mineure du cinéaste, une passade tournée pendant le tournage difficile de Raining in the Mountain. C'est peut-être aussi pour cela que j'avais été bouleversé lors de la séance à la Cinémathèque française de cette version de plus de 3 heures. Tant King Wu, encore plus que dans Touch of Zen, a réussi à mettre en image cette notion si complexe qu'est le Zen. Je voulais, mais comment vous raconter ce film, scénarisé de superbe manière par la femme de King Wu, dans laquelle elle réussit à mélanger, à fusionner à la fois les histoires traditionnelles de fantômes chinois, à toute une époque d'intrigues politiques et militaires, et même donc à cette notion qu'est le Zen. Un mélange habillé de façon sublime par son mari de réalisateur qui donne de l'espace et du temps à chacune des scènes. Il filme le temps, le magnifiant à travers de longs panoramiques de la montagne, de la nature environnante, mais aussi gros plans sur les plantes et les animaux. L'espace lui permet de mieux nous perdre, de nous transporter dans cette histoire fantastique et sensorielle. Comment réussir à vous transmettre mon amour du cinéma de ce réalisateur, alors que beaucoup risquent de s'arrêter au fait que King Wu, c'est des gens qui volent dans les airs en faisant du kung-fu. Alors que King Wu, c'est surtout la beauté esthétique du mouvement, d'un mouvement. Comme si l'importance n'était pas dans l'effort physique du corps, même si celui est bien présent, mais plutôt dans la fragmentation de ce mouvement du corps, afin créer des images quasi abstraites de l'être humain. Comme il travaille tout en nom dit finalement la nature humaine. Les personnages chez King Wu ne sont pas complexes dans leur personnalité. En apparence, ils remplissent à l'intérieur de leur société un rôle précis et pourtant, notamment grâce toujours au rôle de l'artiste, de l'intellectuel, ils sont un parfait miroir des différents sentiments humains, toujours plus complexes que ça en a l'air. Et j'ai presque fini. Alors oui, vous vous dites, il nous a fait le coup de « j'ai essayé », mais il a quand même fait sa chronique. Ne croyez pas que ce soit de la fausse pudeur, de la modestie mal placée, mais en la relisant et en tentant de la réécrire plusieurs fois, je me suis rendu compte de comment un chroniqueur voit ses mots irrémédiablement se perdre face à l'immensité de certaines images. Pour vous faire appréhender ce que j'avais ressenti devant le film, j'aurais dû m'arrêter, mettre des longs silences, travailler mon discours, ne dire des fois qu'un seul mot, un seul verbe, afin de mieux repartir sur une autre phrase. Comme une, 10 des milliers d'images ne peuvent rien transmettre des mots de Virginia Woolf ou d'une peinture de Monet. Mais l'important pour un chroniqueur, pour n'importe qui, n'est finalement pas de réussir ou d'échouer, juste de tenter, d'essayer. King Wu fait un cinéma auquel on doit croire si on veut adhérer. Non, rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Et d'ailleurs, ce film, je l'ai peut-être autant rêvé que réellement vu. C'est ça la beauté du cinéma, nous permettre de vivre complètement. Le film vient de sortir en Angleterre, en DVD et en Blu-ray. Carlotta, qui n'a malheureusement pas eu daigné sortir ce film en salle qu'il mériterait, va bientôt le sortir en DVD et en Blu-ray aussi. Alors, je vous remercie tous les trois, Alexis Huneau, Christiane Passevant, Gilles Tourment, d'avoir été à l'antenne pour cette table ronde donc autour de deux films, hein, reprise d'Hervé Leroux et Have a Nice Day de Liu Yang. Et maintenant, Alexis, je te laisse nous lancer l'intermède de fin de première heure. On va y arriver. Alors en fait, on va commencer pour cette bulle de rang, on va commencer par un générique. C'est comme si on recommençait l'émission. Le générique est tiré, vous allez voir, la voix sublime. Je reviens de Berlin, donc 1987, il y a 30 ans, Wim Wenders réalisait Der Himmel über Berlin, le ciel, le paradis au-dessus de Berlin. Vous allez entendre la voix sublime de Bruno Gans sur les mots de Peter Handke. L'histoire aussi d'une ville brisée, blessée plusieurs fois par l'histoire, mais une ville que j'ai découvert qui, tout en se reconstruisant, n'oublie pas son devoir de mémoire. On parlait de mémoire, c'est important. Une mémoire qui forge un avenir, à la différence de ce qu'on fait nous ici, où on ne crée, on n'a aucun devoir de mémoire. En tout cas, on le travaille très peu. Ce qui est extraordinaire, on va le voir, on est en train, mais c'est vraiment dur. Berlin est une ville qui finalement a une énergie incroyable, une envie de création multiple qui est assez incroyable pour ça et qui donne une envie comme ça de faire des choses tout en ayant toujours cette idée de se dire qu'est-ce que l'histoire nous a finalement blessé, a induit finalement pour notre futur. Et ça, c'est fascinant. Et en tout cas, je pense que nous, on doit en prendre exemple. Donc, on écoute le début des petits bouts des ailes du désir. Als das Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte

Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, Francis Gavel au micro, donc la quatrième heure de ce superbe crossover Bulle de rêve, longtemps je me suis couché de bonne heure, avec Alexis Huneau. On vient d'être rejoint par Romane Monnier. Bonsoir Romane. Bonsoir Francis. Alors tout à l'heure, on va se livrer, vous allez, Alexis et toi, vous livrer à cette petite battle, mais avant la battle, il y a l'instant dancefloor. Oui, parce que depuis le début, en septembre dernier, de cette 20e saison de Longtemps je me suis couché de bonheur, j'essaye de vous proposer une mini programmation éclectique, 2-3 titres enchaînés, brisons nos chaînes, pour mieux vous déchaîner et danser chez soi comme en club, mais sans les arrogances ni les pauses. Alors oui, pour cet instant dance floor du mois de mai, celui des luttes de 68 comme de 2018, auquel nous rendons un hommage transversal non naphtaliné, un instant dance floor qui consisterait autant à pousser la sono qu'à renverser les meubles, à ruiner le bar qu'à exalter les corps. Nous passerons donc d'un apaisement pas si certain à un rugissement passif. Et nous commencerons ainsi, faussement paisible, par planter un arbre de mai devant la porte de notre bien-aimé, comme le veut une ancestrale coutume occitane, en écoutant Vaquille aux polites messes de mai, un chant traditionnel extrait de Music is my hope, le nouvel album du saxophoniste Raphaël Humbert. Alors porté par la voix de Manu Barthélémy, on comprendra peu à peu que la belle n'en a cure de cet arbre, ce qui est son droit, et qu'elle préfère à ce chanteur sans le sou, ce monsieur portant épée à son côté, ce qui est son intérêt. Et sur cet amour contrarié, le saxophone hystériquement free jazz, clin d'œil à Pierre Caillet qui est encore là, de Raphaël Humbert viendra souffler le chaud et le froid. Alors ensuite, la fièvre va monter d'un cran, la mienne est déjà à son paroxysme, avec la compilation Entreprise Année 5, qui fête ici les 5 ans des disques Entreprise, un label qui, malgré son nom managerial, refuse le corporate musical et signe de Fishback à Lafayette ses artistes au gré de ses coups de folie. Ainsi également avec Bagarre, groupe au croisement de l'énergie rock, du phrasé rap et des sonorités club, qui cherche le chaos des corps et des âmes au milieu du béton armé, titre du puissant single qui les a fait passer du statut de révélation à celui de confirmation. Enfin, l'explosion sera totale, et je suis déjà à bout, avec La Relève, le premier album d'un auteur-compositeur-interprète qui pourrait jouer du violon. Il est d'ailleurs réellement et talentueusement violoniste en remplaçant Larchet par un pied de biche, autrement dit Tony Melville. Ici, tout devient incandescent. La délicate chanson française se fait hymne punk ravageur et la douce introspection existentielle se mue en rugueux combat pour la survie, comme dans ce Mourez les vieux, qui ramène soudain l'auditeur aux non-commémorations de mai 68 avec ses quelques vers pas encore d'outre-tombe. À vous tous les miens en place, 68 arts bien engraissés, après vous le déluge. C'est ça, votre lutte des classes. Relâchez le pouvoir, sinon je viens de chercher. On écoute donc sur l'antenne de Radio Libertaire successivement Raphaël Humbert et Manu Barthélémy avec Vaquillopolis Maître de Mai, puis Bagarre avec Béton Armé et enfin Tony Melville avec Mourez les vieux. Aquilo puli mes de mai que tu galam plante sumae nem plantarae un ama mio si la maia uke sa te uliso que li mentrem per lugar da une sourde décade de Custa, qui lui mènerait vers Sentinelle. Sera l'ougalande la belle. Come faccia li per tu, si ta mi la vivo gu, ta mi onai me caun che esaute. Se tru farà, pende nausaute. Io sapevo penso che farai, me narrarai, me mancarai, me mancarai, me chiamassi io. Pensarai più da che sto figlio. Ma sì, ore vendrai, davanti a porto passerai, te manderai a Savesino. Fumo si porto Cattarino, Cattarino se porto be, se smarirai a ben te, amici della campagna. Tu li fai ben, fai re la ramo, e qua bruca per mudare, amici spazio questa la dolina. Que du but armé, mais que du but armé. à force de transpirer. Tu sais jamais où ça commence à empirer. L'aménageur est déprimé, l'aménagement du territoire. Le mètre carré se couche tard, en avant les histoires. Sous la lune, je m'allume, viens bien faire un cauchemar. Sous la lune, je m'allume. C'est l'heure, la retraite c'est pas la mort. Avant que les loups ne dévorent vos cuisses flasques de sénateurs. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Les meilleurs choses ont une fin, faut l'accepter, oh c'est pas si grave. Le pouvoir, c'est vrai, c'est bien. Alors autant qu'on le partage, non? Vos remplaçants seront ravis de faire briller vos chaussures. J'aurais besoin de votre avis, monsieur. Je suis si jeune et c'est si dur. On ne peut plus accepter l'odeur de la naphtaline. Vos pantalons tachés d'urine à la garden party de l'Elysée. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Salut à toi, le vieux chanteur, le respectable, l'ancien, l'aîné. On t'a connu vraiment meilleur. Elle est de trop, non? Cette tournée, c'est ton public, ça? Ces voyeurs, bah ils attendent juste ta chute pour la filmer. Pendant ce temps, ton producteur paye le champagne à ton banquier. À vous tous les bien en place, 68 heures bien engraissés. Après vous, le déluge, c'est ça votre lutte des classes. Relâchez le pouvoir. Sinon je viens le chercher. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Mourez, mourez, mourez les vieux. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Francis Gavel au micro, la quatrième heure, donc de longtemps, je me suis couché de bonne heure, bulle de rêve, le fameux crossover dont tout le monde rêve. Et pour cette dernière partie, bah voilà, une petite battle musicale. On en avait déjà fait une au mois de décembre, quand on avait, le 23 décembre, quand on avait fait notre premier crossover. C'était Alexis Huneau, Thomas Fouet. Et ben, ce soir, on change. Donc, Alexis Huneau, Roman Meunier. Bonsoir, Roman. Bonsoir, Francis. Alors, Roman, on te présente à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Donc, tu es attaché de presse sur le label Pias. C'est ça. Voilà. Un des plus gros labels indépendants. On peut le dire comme ça. Gros, ouais. Le plus gros, de France. On y va. Voilà. Et donc, toi, ce soir, donc, pour cette petite battle qui va, entre guillemets, vous opposer, Alexis et toi, chacun un tour de rôle, vous allez présenter un album et passer un titre de cet album ou un titre de cet artiste, si jamais c'est pas un album précis. Toi, t'avais juste une contrainte, c'est nous présenter trois albums Pias, récents, voilà. plus anciens, comme tu en avais envie. Donc, je ne sais pas ce que nous allons écouter. Alors, quel est ton premier choix? Alors, tout d'abord, je tenais à dire que c'était un plaisir d'être là ce soir avec vous. Du coup, merci de m'avoir invité. Sur Radio Libertaire. Et comme je suis ici pour vous parler du coup de mes artistes coup de cœur du moment, c'est naturellement que pour commencer, je souhaite vous emmener au 7e ciel avec le 7e album de Beach House, sorti chez Bellanion Pias hier et sobrement intitulé Seven. Pour cet album, Alex Cali et Victoria Legrand vacillent entre sonorités planantes et dansantes. L'idéal pour commencer cette soirée sur les ondes, non ? Pardon. Tout à fait. Hypnotique, psychédélique et incandescente à la fois, c'est de nouveau une belle leçon, que dis-je, une belle claque que nous donne le duo de Baltimore avec ses 11 titres. Mais pour l'heure, c'est le single Lemon Glow qui annonçait le retour du groupe le 14 février dernier, que j'ai décidé de partager avec vous ce soir. Je vous laisse donc vous faire un avis sur ce titre indéfinissable. Où je vois là, c'est... Ah, on parle. Et oui, toujours, Alexis Huneau. Et attention, Francis Gavel, tel Superman, revient. Alors, c'est des choses qui arrivent. Mais oui, bien sûr. 4 heures, si en, en fait, on l'a fait un peu exprès pour la première de Roman. Voilà. C'était un peu pour qu'elle stresse. Voilà. C'est moi qui ai payé, en fait, Erwan, pour dire tu vas la stresser un peu pour la bataille. On a démonté un truc dans le lecteur CD, tout ça. Non, mais le matériel est un peu fatigué, il fait chaud dans le studio et tout. Donc, on va effectivement bientôt découvrir cet extrait de Beach House. En tout cas, c'est déjà difficile parce que je trouve qu'elle a mieux préparé les présentations comme ça. Thomas, c'était sympa. Mais c'était pas aussi bien préparé. Moi, je savais pas. Si je le savais, j'ai peut-être devoir me mettre dans les toilettes vides pour écrire. Ok, bah alors on écoute donc Beach House, c'est le titre, Roman. Le titre Lemon Glow. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, alors 89.4, Francis Gavel au micro. On a donc commencé cette petite battle musicale, donc c'était un titre de Roman, c'était un titre donc Roman, tu nous rappelles de Beach House. Bon, ce n'était pas Lemon Glow, mais c'était quand même du Beach House. Ah. Et mais si vous souhaitez continuer à vivre ce rêve éveillé aux côtés de Beach House, notez qu'ils seront à l'Olympia le 15 octobre prochain. Voilà, alors Alexis, nous t'écoutons. Quel est ce premier choix? Que vas-tu nous présenter? Alors, donc, comme Roman avait une contrainte, je me suis dit que j'allais m'en donner une aussi. Après tout, c'est beaucoup plus drôle comme ça pour être complètement dans le jeu. J'ai donc cherché des morceaux marquants dans des courts-métrages d'animation. Et comme je suis fan de Kubrick et que j'aime les compositions en symétrie, ben pour ceux qui ont suivi l'émission depuis le début, comme pour mon texte sur la légende de la montagne, en fait, j'ai échoué. Enfin, partiellement. Ça veut pas dire que Roman a gagné, loin de là. C'est qu'il y a finalement petit train entier dans les films, par définition court. Et puis, je pense qu'il y a un problème de droit. Mais ça, c'est autre chose. Mais mon premier choix n'est pas une tricherie, c'est même une évidence totale. C'est-à-dire que c'est même peut-être par rapport à ce morceau-là et à ce film-là que je me suis dit, je vais me lancer dans la battle avec ça. Ce premier morceau est tiré d'un des plus beaux films de ces dernières années. Je suis incapable, mais réellement, d'en parler quand j'ai interviewé la réalisatrice sur scène lors du Festival Zagreb. Je vais même me dire, il y a tellement de résonance dans celui-ci, dans ce film. C'est d'une force tellement intime que j'ai du mal à parler. J'ai quand même réussi. Et je sais que Francis connaît, puisqu'il l'a même vu. Chanteuse sur scène, on va commencer bien sûr avec I'll Be Your Woman de Michel Gourevitch, tiré du film sublime de Marta Payek, Impossible Figures and Other Stories Part 2. I'll be your woman with unwavering eyes, a flame of the spirits and the mysteries of life. The hands of a healer and a samurai. I'll be your woman. You can be mine. I'll be the gypsy on a path through the trees. The deal maker with front row seats, who turns from the armchair and the picket line. I'll be your woman. Complex creature, not your teacher, not your shivering dog, hunkier than your neighbor, not your mommy, not your daddy. I'm over being daddy. Not your stallion, don't you lay down, get yourself a sailor. I'll be the mirror where you are queen. your fellow magician of the waking dream. Hung with a hammer and a glass of wine, I'll be a woman and you can be mine. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste toujours. Alors on est dans cette fameuse battle Alexis Huneau, Roman Meunier. Bon, donc là on vient d'écouter un morceau de dépressif, hein, Michel Gurevitch. Oui, vas-y. Oui, mais dans un, je voulais dire, faut vraiment voir ce film de Marta Payet qui est vraiment, elle est en train de présenter en ce moment la troisième partie. Il n'y a jamais eu de première partie de cette trilogie. Troisième partie à Cannes, elle sera au Festival d'Annecy. J'aurai la chance de la recevoir dans mes rencontres. Et c'est vrai que là, on a l'utilisation d'un morceau vraiment pour montrer, comme disait Francis à un moment donné, qui est très compliqué parce que c'est une femme. Cette maison représente un peu son univers et elle se trouve cloîtrée par rapport à son rapport avec les hommes et à ce moment donné d'un seul coup dans une espèce de discothèque complètement imaginée et de dérive comme ça entre les personnes, essaie de trouver sa place qui est absolument magnifique et qui va, la musique est absolument incroyable avec les images. J'ai pas dit incandescent mais ça pourrait l'être. Romane. Oui, donc tout à l'heure nous étions partis au 7e ciel avec Beach House. Je vais donc continuer de vous faire planer en vous parlant de l'album Vertige Exaucé de Pendentif, disponible depuis le 9 février dernier chez Pias, le label. Donc figurant parmi les pionniers de la nouvelle vague francophone, aux côtés de La Femme, Aline, Lescope, Granville ou encore Baden Baden, au début des années 2010, Pendentif tire très vite son épingle du jeu avec ses chansons héritées à la fois de la pop anglo-saxonne et de la variété française. Ce deuxième album, Vertige Exaucé, virevolte entre mélodies addictives, Vertige Exaucé et Saphir, rythme chaloupé, Vas-y fais le vite, bleu cobalt, atmosphère cotonneuse, L'au-delà et l'originel, et refrain entêtant, étrange et en cascade. La voix suave de Julia Jean-Baptiste qui n'est pas sans rappeler celle de l'immense Sade, se joue avec délice de ces montagnes russes. Les textes sont signés Benoît Lombin et les compos Mathieu Vincent. Vertige Exaucé, ce petit bijou signé Pendentif, est également disponible en vinyle, que je vous conseille d'ailleurs car il est tout bleu, transparent, vraiment très chouette. Pour découvrir et entrer un peu plus dans l'univers de Pendentif, je vous propose d'écouter Vas-y fais-le vite, le premier single de l'album Vertige Exaucé. Titre à connotation sexuelle, vous pensez ? Je vous laisse en juger par vous-même. Bon, alors après Pendentif, on va se pendre au cou. Ouais, trop bonne. D'Alexis Uno, donc c'est quoi ta nouvelle musique dépressive? Ouais, non, mais j'adore Michel Gurevitch. Hein. Je suis désolé, là, je pense que... Ok, c'est parti, j'y vais. Donc, pour ce deuxième morceau, ce n'est pas une chanson, mais un morceau composé pour le film. Là encore, un film dont j'aurais du mal à vous parler, décidément, hein, j'ai fait simple, tant le sens que j'y trouve change, finalement, à chaque vision. La beauté et la forme, et la force, d'ailleurs, de chaque plan... En fait, c'était la force, j'écris mal. Et la force de chaque plan, de chaque image, en font pour moi l'un des plus beaux films de leurs auteurs. Et en tout cas, l'un des films qui, moi, m'a bouleversé, m'a fait rentrer quelque part dans le monde de l'animation. Le film, c'est La rue des crocodiles, des frères Coué. Et la musique est le morceau de la fin du film. Le compositeur de la musique est Leszek Jankowski, compositeur polonais qui a travaillé spécialement pour les frères Coué. Donc là, on part dans quelque chose. Mais vous allez voir, je pense que peut-être, ça serait intéressant d'avoir peut-être. Elle est peut-être pas si déprimante que ça, mais on a notamment cette utilisation que j'aime beaucoup dans les films, mais j'aime beaucoup ça, de la voix, vous allez voir, qui est repris, dont on va parler même un petit peu après. Donc on écoute La rue des crocodiles. Taniego materiału ludzkiego, brak także wybujałości instynktu, brak niezwykłych i ciemnych namiętności. Ulica Krokodyli była koncesją naszego miasta na rzecz nowoczesności i zepsucia wielkomiejskiego. Widocznie nie stać nas było na nic innego, jak na papierową imitację, jak na fotomontaż złożony z wycinków zleżałych zeszłorocznych gazet. Widocznie nie stać nas było na nic innego. Widocznie nie stać nas było na nic innego. Widocznie nie stać nas było na nic innego. Donc, alors cette battle là qui a pris un tournant absolument hallucinogène, hallucinatoire, je ne sais pas. Roman, je me tourne vers toi. Quel est ton troisième choix ? Alors, pour mon troisième choix, on va bouger un petit peu. Et comment ne pas terminer cette battle de découverte avec le duo australien complètement déjanté de Confidence Man. Confidence Man, c'est une machine bien huilée, destinée à vous faire danser jusqu'à l'épuisement. Habitude que le groupe a déjà prise sur les dance floors des festivals du monde entier, jusqu'à s'imposer comme l'un des groupes les plus excitants de l'été à venir. Confidence Man, sur scène, c'est un mec, Sugar Bones, droit comme un i, dont le pantalon est resté en loge. À ses côtés, une femme, Janet Planet, en combi short baby doll. Derrière eux, deux ombres silencieuses, s'agitent à la batterie et au clavier. Le torse nu est voilé de ce qui semble être un masque d'apiculteur, d'un noir si foncé que la lumière s'y perdrait presque. Je n'ai pas eu encore la chance de les voir en live, mais rien qu'en voyant les vidéos de leur concert, ça donne envie de bouger derrière son ordinateur. Donc aucun doute, ne me cherchez pas, le 13 juin prochain, je serai certainement à la maroquinerie devant Confidence Man, en train de me lâcher au rythme des synthés. Leur premier album, Confident Music for Confident People, est sorti le 13 avril dernier chez Evenly Recording, Pias. Difficile de donner un style ou un genre musical à Confidence Man. Inspiré des Fatboy Slim ou encore de LCD Sound System et de plusieurs artistes des années 90, on pourrait se dire qu'ils alternent entre disco, big beat et rock alternatif. Confidence Music for Confidence People est donc un album avec des morceaux à la fois puissants, effrontés et lumineux, en adéquation avec la folie des temps modernes. Je vous laisse le découvrir au travers leur single Better Sit Down Boy. Down. Bon, alors voilà, donc on était avec Confidence Man. Confidence Man, c'est ouais, ça. Il me semblait. Alex Huino, à toi. Ok, ça c'est vraiment bien aussi. Ok. C'est pas à moi de le dire, mais je vais bien concéder que j'ai pas forcément gagné ce soir, loin de là. Parce que vraiment, il y avait plus de diversité ou quoi. Et je vais continuer ces morceaux. C'est pas de ma faute si les gens de l'animation, en tout cas ceux que j'aime, sont tous des dépressifs. Moi, j'y peux rien. Alors, ce Bieber, voilà. Et encore, il y en a tellement d'autres. Alors, ce troisième morceau, ben, c'en est pas vraiment un. Hein. Voilà. J'ai rebondi sur le morceau de La Rue des Crocodiles et j'ai pensé à, vous savez, à toutes ces fins de films où la musique nous emporte dans la puissance d'une sensation, dans le poids d'une émotion. La sélection était compliquée, mais le choix final s'est finalement porté sur trois films que j'aime beaucoup. Donc vous allez les entendre les uns après les autres. J'ai fait un petit mix de ces trois morceaux. On aura tout d'abord Le Réveil d'une Femme, L'Éveil avec Fruitzouk de Dahlia S. Et la musique de Joanne and the Sailors. L'éveil voilà d'une femme à côté de son ami qui est là et elle va petit à petit se réveiller et prendre... compte de ce qui est autour d'elle et de cette matinée. Ensuite, il y a la prise de conscience avec I Am Tom Moody, dans laquelle un homme fait la paix avec ses angoisses enfantines. Chose que l'animation peut bien faire, où il va tirer à un moment donné lui-même plus petit de son cerveau et le retirer de sa tête. La musique est de Peter Dean et Ansley Anderson. Ce dernier, réalisateur du film, est d'ailleurs aussi le chanteur du morceau. Il a d'ailleurs fait un album plutôt de ballade. Il a même fait l'une des émissions célèbres, je sais plus quoi, d'M6 ou de Nantes. Vous savez, les trucs de découvrir un champion ou je sais pas quoi, là, je suis un peu nul. Truc de TF1 et d'M6 où on a des jeunes chanteurs, la dernière star ou la nouvelle star. La nouvelle star anglaise. Donc voilà, avant de faire de l'animation. Pour finir ce petit mix, quand même, un tout petit peu d'envol avec la fin de Mars et Van, le film de Virgin Keaton, son second film. En trois films, la réalisatrice s'est imposée comme, à mon avis, l'un des noms importants du cinéma d'animation français d'aujourd'hui. Son dernier film est juste merveilleux pour moi. La musique est de Val Power, avec qui elle avait déjà collaboré sur son premier film, Je crée contre la vie ou pour elle, et de Mansfield Tia. On écoute ces trois morceaux à la suite. We don't ever have to sing the Witches of Halloween. Okay. Like a song. nous étions grecs, arméniens. Nous étions grecs, arméniens, peut-être d'ailleurs. Nous venions d'un conte, d'un temps biblique, d'une épopée fantastique, d'un pays et d'une histoire qu'il restait à inventer. Et ben voilà, en fait, on est arrivé pratiquement à la fin des 4 heures. Et bravo et merci à Roman, c'était un super merci choix. Merci à toi. Voilà, alors merci à tous les deux pour cette petite battle fort sympathique. Donc, Alexis, merci pour ces 4 heures d'émission. Et ben merci beaucoup à toi aussi, Francis. On a réussi à les faire. Voilà. Sincèrement, je pense que si on arrive à les faire une autre fois, j'aime. C'est dur, c'est pas évident parce que truc, mais c'est super passionnant, je trouve, d'entendre tout ça et d'avoir toutes ces différentes petits moments de, je trouve, dans l'émission. Je te laisse terminer. Merci beaucoup Alexis. Alors bon, avant de vous donner le générique de fin, hein, comme on dit, on va réécouter un extrait de l'album d'Arto Lindsay, dont on avait écouté un premier titre dans la première heure, dans notre table ronde cinéma, et un premier titre que j'avais oublié d'annoncer. J'avais parlé de l'album, j'avais parlé d'Arto Lindsay, et en plus c'était un premier titre qui va nous ramener encore à notre hommage transversal aux luttes de mai, puisque donc le titre c'était « Vao quemar ou botando pra dançar », qu'on pourrait traduire en français par « Va brûler ou rebondis pour danser ». Et donc on va se quitter donc avec un deuxième extrait de cet album, en fait, qui est le titre juste après, qui est une très jolie ballade un petit peu plus bossa, coécrite avec Luca Santana, qui est un des musiciens du moment dans la nouvelle génération, comme ça, brésilienne, qui a travaillé avec des gens comme Seu, entre autres. Et donc le morceau qu'on va écouter s'appelle Seu Pai, et ça va être une façon de terminer ces 4 heures d'émission. Et comme ça, ces 4 heures, on sait que maintenant qu'il parle aussi très bien brésilien, on sait plein de choses sur Francis grâce à ces 4 heures. On sait qu'il a fait un groupe de musique, pas mal de choses, et il parle brésilien presque aussi bien que Bernard Payen. Oui, c'est peu dire. En tout cas, donc c'était Bulle de rêve, longtemps je me suis couché de bonheur, une émission proposée et présentée par Alexis Huneau et Francis Gavel, réalisé par Nicolas Choquet et Erwan Charton. On les remerciera jamais assez, tous les deux. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Merci Romain Monnier d'avoir été avec nous. Merci Antoine Bieber d'avoir été là aussi. Donc merci. on se quitte avec Arto Lindsay, et vous retrouverez juste après Les Jardins d'Orphée. Água corre sobre a pedra, fio que descarrega. Ouro nem sempre doura a pele, a luz nem sempre é veloz. Todo verde é transparente e treme ao vento. O dia é alto e bate palma, cai a noite e esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu. O seu pai era bandido, mas você apareceu. Nunca é um dia uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é um dia uma vez, mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez, nunca mais uma coisa.